sportive favorite. Que ce soit la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, peu importe, nous l'avons. Mentionnez CKRL lors de votre visite pour obtenir une réduction exclusive de 15% sur tous nos produits à prix réguliers. Logo Sport, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. 1028 rue Saint-Jean, logosportqc.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire où vous savez bien que vous allez avoir deux bonnes heures de rock progressif. Installez-vous confortablement. Marc et moi, vous avons préparé un bon deux heures de musique et on commence avec une nouveauté ce soir en provenance de Norvège. Il s'agit du groupe The Flying Norsemen. Un groupe qui a été mis sur pied par d'anciens membres de Arabs in Aspic, et c'est un premier essai pour ce groupe. L'album va simplement s'intituler The Flying Norsemen et l'apparition est prévue pour septembre. On a un premier extrait ce soir. L'album a été réalisé par nul autre que le guitariste et chanteur Jostein Smeby, et le membre de Arab in Aspic. Et d'ailleurs, le nom du groupe, C'est en fait le titre d'une chanson de Arabs in Aspic, de Flying Norsemen, qui est parue sur l'album A Strange Frame of Mind. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que musicalement, on n'est pas très éloigné de Arab in Aspic. Ce soir, on vous présente la pièce Poseidon John. Et puis Marc, par la suite, on se dirige du côté de la France. Oui, en effet, on aura pour vous un second extrait du nouvel album à venir de la formation française Lizard. L'album a pour titre Mesh et c'est leur premier album longue durée. C'est un trio qui est formé de Matt Ricoux, guitariste et chanteur français, ainsi que Cathy Elwell et Will Knox, tous deux du Royaume-Uni, respectivement aux batteries et à la basse. Alors pour vous ce soir, on aura la pièce Black Sheep, et ce sera suivi de la formation italienne Oh No It's Prague, un second extrait de cet album qui a pour titre Those About to Prague We Salute You. C'est le projet du musicien italien Gianni Nicola. On aura pour vous la pièce Those About to Prague, et pour débuter ce bloc musical, comme vous le disait Michel, on débute avec la formation de Flying Norsemen. Thank you. draugen, min venn. Har du hils på draugen? Har du fruktet garnen igjen? Har du fruktet garnen? Alle kristne sjeler her, hjelp oss temme dyre. Skal du slåss med dyret? Om alle kvinner var nakne, min venn, vil du slåss med dyret? We'll be right back. Salut, ici Mathieu du groupe Lizard et je suis très content de vous présenter un nouveau single qui est issu de notre nouvel album Mesh. Hello Terra Incognita, it's Gianni from Onoids Prog and I'm here to present you my new work entitled For Those About to Prog, We Salute You. We'll be right back. gentlemen, welcome back to the show that luckily ends. Sit back and relax, because all these plans that just for this evening just arrived from his sold-out tour around the block. You'll enjoy the one and only, oh no, it's Krog! Passe, la musique reste. CKRL, on célèbre la vie, la diversité, la créativité avec des musiques qui vous ressemblent. Dès le 2 septembre, c'est Télé-Québec qui vous présente ce beat. Le délire commence au moment où tu cliques. L'expérience est hors du commun, t'écoutes. Ça vient à peine de commencer, tu veux que j'en rajoute. Si t'as l'appli en main, c'est que toi aussi t'as trop de chance. Et si t'entends cette pub, t'as pas d'excuse, faut que tu danses. Danse, danse. Des histoires hors du commun, des acteurs hors du commun, une soirée hors du commun, hors du commun. Vivez l'expérience dès le 2 septembre à Télé-Québec. Pour bien terminer l'été, à l'Anglicane. Le mercredi 21 août, découvrez les chansons du projet le plus personnel de Lulu Hughes. Elle revient à ses premiers amours, le rock et le blues. Voici l'histoire d'une île où s'enlacent les villages. Le vendredi 30 août, voyagez dans l'univers de l'auteur-compositeur-interprète Simon Kearney. Ses chansons révèlent ses liens intimes avec les paysages insulaires qui ont marqué son parcours. Le samedi 7 septembre, Emily Clapper vous fera vivre une soirée au rythme texan qui enchanteront les adeptes de danse country. C'est un rendez-vous à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Les Sessions de Québec présentent la chanson « Lève-toi » par Stella Nkwecha. Lève-toi, lève-toi, tiens ta partition à jouer. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Et si le principe de la cohérence cardiaque s'appliquait à votre organisation? Chez Perseus, tout est une question de cohésion. Notre équipe s'assure que votre organisation soit dotée d'une stratégie solide et fidèle à vos valeurs. Plans de communication, outils technologiques, images de marque, sites web, médias sociaux, promotion, développement stratégique et tactique. Perseus. Accompagner, développer, communiquer. PerseusTactique.com 581-781-1333. C-K-R-L-89-1. De retour à Terra Incognita avec Marc Chaunet et Michel Bilodeau, on entame la seconde demi-heure avec deux extraits de deux albums de Carfagen, deux albums incidemment qui sont parus cette année. On parle de Land of Chameleons et de cet album on aura la pièce Agora by Day. Et le second c'est Messages from Afar, Second Nature. Et cette fois-ci on aura la pièce Searching for Mr. Kite. Et pour conclure cette demi-heure, Marc, on aura un nouvel extrait d'un nouvel album d'un groupe américain qu'on apprécie beaucoup. Oui, en effet, c'est la formation Isobar. Ils sont de San Jose, en Californie. Ils ont fait paraître récemment leur quatrième album, tout simplement intitulé Isobar 4. La formation compte dans ses rangs Malcolm Smith aux guitares, Jim Anderson à la basse, Mark Spooner au clavier et également Matthias Olsen aux batteries et percussions. Il y a également quelques invités spéciaux, dont Trevor Lloyd au violon, sur la pièce qu'on a choisie pour vous. La pièce a pour titre Catatomic. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce second bloc musical de l'émission avec la formation ukrainienne Carfagen. We'll be right back. start to turn the stone. I find myself feeling like I don't belong. Gone are the days of simplicity, lost in a maze of complexity. In the midst of the bustling crowd, I search for a moment to be unbound. So let the masses swirl around while I stand firm on solid. Thank you. CKRL 89.1. Votre oasis musicale pour un été torride. Vous aimez les enfants et les familles? Vous êtes créatif et organisé? Ressources Parents Vanier cherche un animateur ou animatrice intervenante passionnée. Planifiez des activités, soutenez les parents et faites une réelle différence dans la vie des tout-petits. Postulez dès aujourd'hui. Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l'attention de Madame Annie Pressé à direction rpv@outlook.com avant le 9 septembre. Visitez ressourcesparentsvanier.org pour plus de détails. Seules les candidatures retenues seront contactées. Maglioco, Greco, Mantonico, Malvasia. Découvrez l'Italie que vous ne connaissez pas. Spécialisée dans les vins et spiritueux provenant de Calabre et du sud de l'Italie, l'agence Uvinu vous propose en importation privée une sélection exclusive qui sort des sentiers battus. Rosé, rouge ou blanc, amaro, limoncello ou grappa. Nous dénichons des produits hors de l'ordinaire concoctés par des artisans passionnés. Commandez en ligne sur uvinu.ca et faites livrer à votre succursale SAQ préférée. Cet automne, de grands noms de la musique débarquent au Palais Montcalm. Voyez Ariane Moffat, The Pineapple Thief, Dan Touin Trio, Joue Joyeux Noël, Charlie Brown, Emily Claire Barlow, Soft Machine, Sue Foley et tant d'autres. Une autre saison de concerts mémorables. Billets en vente dès maintenant, toute la programmation au palaismontcalm.ca. Même si ça joue en solo partout. Docteur Jean Drouin, Caroline Simard, Francine Chatigny, Raymond Poirier, Raymond Côté, Bernard Saint-Onge, Jaime Silès, Georges Goma, Valérie Levé, Benoît Béchard, Pierre Blais. Ici Caroline Stephenson. Avec toute l'équipe des Matins éphémères, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 7h à 9h pour bien débuter la journée sur les ondes de CKRL 89.1. You know what I mean? Julie Vignola, Luc Ferland, Jean-François Artaud, Michel Marcoux, Nicolas Médieu, Gilles Chaumel, Robert Boitler, Christian Carles, Christian Gérard, Caroline Ménard et Barbel Ring. De retour à l'émission Terra Incognita, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres l'artiste italien Stefano Lupo Galifi, chanteur de la légendaire formation italienne Museo Rosenbach. Il a également participé au premier album de Il Tempio delle Clessidre dans les années 2000. Il a fait paraître son premier album en 2021, un excellent disque intitulé Dei Ricordi un Museo. Il est accompagné sur cet album du claviériste Luca Scherani, qui est de la Cosienza di Zeno et Ost Sonaten, également de la guitariste Marcella Arganese de UB Meyer et le batteur Folco Fedele. Alors de cet album, on aura la pièce-titre partie 2. On aura également pour vous une pièce de Rick Wakeman, mieux connu comme le célèbre claviériste de la formation Yes. Il a également une très longue carrière solo. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est une pièce de l'album The Red Planet paru en 2020, qui est un beau retour au rock progressif pour Rick Wakeman. On aura la pièce Tarsis Tolus. On aura également une formation qu'on aime beaucoup ici à l'émission, Professor Tip Top de la Norvège. Ils ont réalisé 7 albums entre 2012 et 2021. Ce qu'on aura ici pour vous ce soir, c'est un extrait de l'album Hybrid Hymns, leur 5e en carrière, paru en 2019, et la pièce Data Mining. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une autre formation qu'on aime beaucoup, mais cette fois-ci de l'Allemagne. Oui, une formation qu'on aime beaucoup et qu'on a eu le grand plaisir d'accueillir en mai dernier, non pas pour un concert, mais pour 2 concerts. Vous avez reconnu RPVL et on va voir un extrait ce soir de l'album Crime Scene, le plus récent album studio du groupe. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de la tournée destinée à promouvoir ce nouvel album studio qu'on a eu le bonheur de les accueillir pour leurs deux seuls concerts en Amérique du Nord. Ce soir, on vous présente la pièce « A Cold Spring Day in 22 ». Gone forever, the secret of six murders in one. secavo la filo di una terra rossa e bagnata. Mangio la secca bottiglia, la CKRL 89.1. Waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Le temps passe, la musique reste. Écoutez les histoires qui se racontent, les voix qui s'élèvent, le temps d'une chanson. La Société de développement commercial 3e Avenue Limoilou, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Limoilou, la Ville de Québec et Limoilou en vrac, vous invite à participer aux différentes activités populaires organisées ce dimanche de 11h à 15h sur la 3e Avenue entre la 9e rue et la 10e rue. Dans le cadre du projet Animation urbaine 2024, des activités sont prévues jusqu'au 22 septembre prochain. Maquillage et jeux pour enfants, spectacles de musique et plus encore sauront sûrement vous plaire. D'ici au 22 septembre, les dimanches se passent sur la 3e avenue. À la base, je me sers de prétexte d'aller en plein air, que ce soit pour marcher, faire une randonnée, aller à la pêche ou chasse à la perdrix que j'aime beaucoup. Puis, si l'occasion se présente, bien, je peux documenter en photo, avec le téléphone, avec un appareil argentique ou encore faire des croquis, selon les intempéries et les moustiques. À découvrir sur la Fabrique culturelle. À force de parcourir le territoire, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de plantes d'imprimés dans ma tête, que j'ai beaucoup observées, que j'ai cueillies beaucoup également. Karine Locatelli, artiste en art visuel dont la nature est une source d'inspiration majeure. Je dirais que c'est, ça s'entremêle, mémoire, documentation, photo, dessin. Puis aussi, c'est des sujets hyper organiques, donc je peux vraiment me permettre de modifier le sujet, d'improviser. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Dès le 2 septembre, c'était le Québec qui vous présente ce beat. Le délire commence au moment où tu cliques. L'expérience est hors du commun, t'écoutes. Ça vient à peine de commencer, tu veux que j'en rajoute. Si t'as l'appli en main, c'est que toi aussi, t'as trop de chance. Et si t'entends cette pub, t'as pas d'excuse, faut que tu danses. Danse, danse, danse. Les histoires, hors du commun. Les acteurs, hors du commun. Une soirée, hors du commun. Hors du commun. Vivez l'expérience dès le 2 septembre à Télé-Québec. Besoin de conseils en santé naturelle? Alimentex a la solution pour vous. Nos conseillers compétents sont disponibles avec ou sans rendez-vous pour répondre à vos questions. Nous offrons une gamme complète de produits de santé naturelle, des tisanes aux huiles essentielles. Alimentex, votre bien-être, notre priorité. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation suédoise Carp Tree, fondée à Stockholm en 1997. Ils ont 7 albums à leur actif. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est une pièce de leur 3e essai, paru en 2005, qui a pour titre Man-Made Machine. On aura d'ailleurs la pièce titre de cet album. On aura également un extrait d'un projet de la maison Colossus, qui a pour titre The Empire and the Rebellion. C'est donc inspiré de Star Wars. C'est un projet qui est entièrement composé paroles et musique par le musicien italien Alfio Costa, qui est également claviériste. La plupart des musiciens sur ce projet sont italiens, sauf Fred Chandel de Glasshammer, qui est invité à participer à une des pièces. On aura pour vous ce soir la pièce Droids. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation de la Norvège. Oui, on peut dire que c'est un des plus beaux fleurons de la scène musicale progressive norvégienne, un pays incidemment qui a en quelque sorte repris la relève de la Suède, puisque c'est pas mal là que ça se passe maintenant en termes de rock progressif, avec la multitude de groupes qui émergent de la Norvège, et un, ben, comme je le disais tantôt, un des fleurons de cette scène, c'est Jorsho. Et on va voir ce soir un extrait de l'album Natfjollen. We'll be right back. Som gråter mest. messengers, keepers of infantimable secrets and ideas. Troy is full in evil. Troy is speaking and flying. No vital sign. Space and 2D2 rocket itself. The message on new hope to find a Jedi in a planet far away to give light to two great rebellion against the dark empire oppressing the light in the galaxy scenery of insane. The son of hope. solution to the more complex problem. Machine.

Vision de Québec présente la chanson « Lève-toi » par Stella Nkwecha. Lève-toi, lève-toi, tu as ta partition à jouer. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Dans un monde en constante évolution, comment les avancées technologiques et sociétales impactent-elles votre domaine d'expertise? Chercheurs, universitaires, artistes et professionnels de tous horizons, l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, AIPDP, vous invite à participer au colloque international Canada-Afrique-Amérique latine et les Caraïbes. Cet événement d'envergure, sous le thème « Enjeux et défis de la société, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle », se tiendra les 24, 25 et 26 octobre au Centre des congrès de Québec. Pour devenir conférencier ou exposant, visitez le aipdp.org ou appelez le 581-989-0409. Ensemble, façonnons le monde de demain. Ben voyons, le monde est donc bien cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.